La nuit de l'élection de Donald Trump, Jessica Resnicek et Ruby Montoya, deux membres des Catholic Workers, ce sont... Alors, les Catholic Workers, en français, c'est Mouvement Ouvrier Catholique. C'est né aux États-Unis en 1933. Et ça prône, bah, entre autres, hein, sûrement, moi, j'ai pas fait, je connais pas bien, quoi, mais en tout cas, ça prône la non-violence. Et pourtant, je continue. Elles se sont introduites sur un chantier de construction du pipeline Dakota Access dans l'Iowa. Elles avaient apporté avec elles des boîtes à café remplies de chiffons imbibés d'huile moteur qu'elles ont placées sur le siège de 6 engins de chantier et enflammés. 5 de ces 6 engins ont brûlé. Autodidactes en ce domaine, Resnicek et Montoya ont dû apprendre à se servir de chalumeaux oxyacétylénique pour percer l'acier des tuyaux. Tout au long du printemps 2017, munies de leur équipement de protection, elles ont parcouru l'État de part en part, perforant le pipeline partout où elles pouvaient dans des raids éclairs qui ne devaient pas dépasser 7 minutes. Après quoi, elles ont repris les incendies. Au moyen de ballots de tissu imprégnés d'essence, elles ont mis le feu aux équipements de multiples sites. Les biens attaqués appartenaient à Energy Transfer, un conglomérat de sociétés de transport d'hydrocarbures dont le conseil d'administration comptait parmi ses membres le secrétaire à l'énergie de Trump, Ray Perry. Resnicek et Montoya s'étaient engagés dans le mouvement contre le pipeline Dakota Access au moment de Standing Rock. Face à la défaite, elles ont choisi de passer à la vitesse supérieure plutôt que de capituler. Elles disent, après avoir examiné et épuisé toutes les formes d'action possibles, dont la participation à des réunions publiques, la collecte de signatures pour réclamer des études d'impact environnemental, la désobéissance civile, les grèves de la faim, les manifestations et les rassemblements, les boycotts et les campements, nous avons constaté l'incapacité évidente de notre gouvernement à entendre les revendications populaires. Ça, c'est ce qu'expliquent Resnicek et Montoya dans leur communiqué. Elles ont fini par sortir de la clandestinité en revendiquant publiquement leurs actions. Nous prenons la parole pour encourager d'autres à entrer dans l'action, le cœur pur, pour démanteler l'infrastructure qui nie notre droit à l'eau, à la terre et à la liberté. Leur sabotage a retardé la construction du pipeline pendant plusieurs mois, mais bien sûr, aussi efficace et déterminée fût-elle, deux personnes ne pouvaient pas à elles seules terrasser le colosse. Il aurait fallu pour cela une montée en puissance organisée. Comment saboter un pipeline d'Andreas Malm ? Barricade à Liège. Voilà, je suis à Barricade avec Fanny, avec Jérémy. Et on va se rencontrer. On se rencontre en fait pour Donpaille, Belgique. On ne payera pas. Comment on dit ? Donpaille, Belgique, on ne payera pas. Donpaille, c'est de l'anglais quoi. C'est complètement de l'anglais, ouais. Oui, j'avais envie de demander. Après, j'ai vu que c'était né en Angleterre, en fait, ce Donpaille. Donpaille, t'as dit quoi ? Donpaille, oui. Moi, je pense en effet que c'est né en Angleterre. Hein, suite à la hausse des prix, il y a eu un collectif qui s'est rassemblé dans ce pays-là. Et je pense que tout simplement, on a repris le nom, mais qui donne mieux en français, enfin on le préfère finalement en français. Ouais, moi aussi j'aime bien le français parce que après, t'as quelque chose à dire. Je vais chaque fois faire comme ça, hein. Je pose une question, c'est aux deux, chacun pourra dire son mot. T'as rien à dire de plus toi Jérémy ? Ça va Jérémy, comme ça on entend ta voix, on sait que t'es là. Ouais, avec plaisir, salut. Et je me souviens qu'on avait hésité à reprendre en anglais ou pas parce que les anglicismes c'est chiant. Et en même temps, on s'est dit, vu que c'est un peu une marque de fabrique qui avait bien fonctionné au Royaume-Uni et que le logo, on le voyait de plus en plus dans les médias. On s'est dit, bon, bah, on va quand même utiliser le terme. Et après, on a trouvé Way But I Need. Donc là, c'est juste en néerlandais, quoi. Et on a rencontré ces gens-là pour savoir s'ils voulaient un peu la même chose que nous. Et donc, en termes de langue, c'était un peu spécial d'avoir mélangé l'anglais et le français. Et puis, eux, ils avaient juste le néerlandais. Et puis, on s'est quand même mis ensemble. On s'est dit, ah, bah, alors, c'est l'occasion peut-être de faire un truc bilingue, on va dire. Et c'est quand même resté Don't Pay des deux côtés. Mais Don't Pay, Way But I Need. Don't Pay, on ne payera pas, quoi. Voilà. Eh bien, ouais, on est à Barricade. Et tiens, à Liège, c'est quoi ? Vous avez quelque chose à raconter de particulier à Liège ? Vous êtes liégeois, vous habitez pas loin, j'imagine, un truc ? Bah, Liège, la ville ardente, hein, c'est le premier truc auquel on pense, je pense. Il y a une chouette dynamique. D'ailleurs, on est dans un quartier qui va faire la fête ce week-end. Et ça, on peut le dire, c'est la fête en pierreuse. Donc voilà, début du printemps, peut-être. C'est ça la fête hein, en pierreuse, c'est le début du printemps ? C'est ça la cause de la fête ? Non, je crois pas. Mais par contre, on espère que ce sera vraiment le début du printemps ce week-end. En tout cas, moi, j'espère. Ouais, c'est clair. Bah, y a plein de choses à dire à Liège, évidemment, hein, comme dans toutes les autres villes. Où... Non, mais il n'y a pas un truc. Par exemple, moi, je suis venue à moto, là. J'ai traversé tous les travaux. Wow. L'histoire de tram, c'était arrêté, les travaux. Non, mais c'est de la folie. Hein. Si, oui, c'est de la folie. Ça en est, cette histoire de tram, vous savez ? Ah bah, je sais juste qu'ils sont en retard, comme prévu, hein, on va dire, et que ça va sûrement coûter plus cher que prévu, comme toujours. Mais par contre, c'est... Allez, ce tram, il a quand même une histoire assez... Elle est pas rigolote, mais assez spéciale, puisque il y avait quand même un désir que le tracé du tram rejoigne des quartiers qui sont excentrés, tu vois, et pas seulement pour faire venir les touristes de la gare des Guillemins au centre-ville, puis qu'ils mangent une frite et puis qu'ils repartent. Et en fait, c'est quand même raté, quoi. Enfin, on s'en doutait un peu, mais même s'ils ne s'arrêtent pas au centre-ville, ils continuent jusqu'au Coron-Meuse pour le nouveau écoquartier, la gentrification et tout ça, il y aurait quand même... Enfin, ça aurait été bien qu'il, des deux côtés, il aille plus loin pour vraiment permettre aux personnes qui ont besoin de venir au centre-ville, mais qui ont difficile de venir au centre-ville, il n'y a plus de distributeur de billets chez eux, il n'y a plus de la poste, il n'y a plus d'autres services, bah, en fait, ça ne remplira pas cette fonction-là, quoi. Comment tu sais ça ? Bah parce que le tracé définitif du tram ne va pas jusque dans ces quartiers-là. Quoi. Tu t'es renseigné, quoi ? Bah, c'est publié sur leur site, ouais. Moi, je croyais que le tram était, ça s'annulait, quoi. Ça s'arrêtait, il n'y avait plus. Ah, non, ils ont plein de problèmes avec les consortiums, les machins, les trucs. Mais ouais, non, là, a priori, ils sont partis pour le finir. Pas tout de suite, mais ils le termineront, normalement. Ouais. Allez, on va essayer de bien comprendre c'est quoi Don't Pay, parce que si j'ai compris, il y avait des gens aussi... donc on est à Liège, il y a des gens à Bruxelles aussi, il y a des Flamands du coup, on va bien comprendre ça. Mais j'avais envie de lire pour que les gens comprennent, enfin en tout cas ceux qui l'ont vu passer cet automne-hiver suite à cette annonce de hausse d'électricité, ben voilà, les gens se sont mis ensemble et ça donnait un truc comme ça... C'est genre le 1er février 2023, mais paraît-il, c'est né avant, vous allez l'expliquer. Mais là, c'est un post sur Facebook qui date du 1er février 2023. Et ça dit, suite à l'explosion des prix de l'énergie, des dizaines de milliers de personnes... On n'exagère pas, là, hein ? Non. Oui, mais on ne se rend pas toujours compte, hein. Ne peuvent plus payer leurs factures. On ne payera pas, ce n'est pas une injonction, c'est surtout un simple constat. Les aides de l'État ne suffisent pas. De plus, elles vident les caisses publiques pour alimenter les bénéfices des propriétaires des compagnies d'énergie. Pour visibiliser l'ampleur du problème, pour nous rassembler et pour recevoir l'info de la campagne, oui, c'est ça, vous lancez une campagne. Remplissez le compteur en ligne et partagez-le autour de vous. Les trois objectifs de la campagne étaient, après on dit « étaient », au passé, mais on a envie de savoir aussi qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, vous voyez. Baisser le prix de l'énergie pour des factures abordables. 2. Nous défendre collectivement et nous entraider dans nos quartiers. Et 3. Sortir le secteur de l'énergie des marchés privés. Celle-là, elle est balèze. Hein. Et alors, le problème de factures, des factures d'énergie est collectif et non pas individuel. Ça, c'est tellement vrai. Ne restons pas seuls devant nos factures impayables, organisons-nous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est né quand alors, cette histoire-là? Ben donc, ce serait né, la légende dit que c'est né en septembre 2022 et que la campagne s'est réellement lancée le jour de la lutte contre la pauvreté, le 17 octobre 2022 également. Ça faisait déjà un an qu'on observait une augmentation des prix de l'énergie. Entre autres causée par la reprise du Covid, l'invasion de la Russie en Ukraine et tout ça, mais en réalité beaucoup plus explicable ou en tout cas beaucoup plus cohérente si on l'explique via la libéralisation des prix de l'énergie qui implique une certaine spéculation autour de ces prix-là. Et donc, se rendant compte de ça, on a été plusieurs à vouloir essayer d'en parler publiquement ou en tout cas de reprendre le sujet. Mais c'est qui c'est plusieurs, tu vois? Ça part d'où? Ça part d'où, Jérémy? Si on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Oui, c'est parce que Fanny, du coup, elle est venue, on va dire, dans la deuxième vague et franchement, ça nous a bien aidé. Mais au tout début, on était genre 6. Et on s'est vu. Est-ce que c'était ici la première réunion? Je sais plus. Je crois que c'était ici. Et c'était plus une discussion entre potes qu'une véritable réunion. Mais en gros, on se demandait est-ce que il faut lancer un truc comme au Royaume-Uni ou est-ce qu'il faut lancer quelque chose de différent? Il y a déjà d'autres trucs qui existent sur Facebook, etc. Mais ça nous semblait ne pas répondre au même objectif que les trois que tu as cités là. Et du coup, c'était beaucoup des anciennes personnes des mouvements anti-dettes, donc contre les dettes illégitimes, que ce soit des dettes publiques ou des dettes de ménage, mais aussi des personnes qui étaient investies à l'époque dans les collectifs comme la santé en lutte, je ne sais pas si tu avais connu, le travail social en lutte, des choses comme ça, le collectif 8 mars sur les questions féministes. Et donc, c'est des personnes qui se connaissaient déjà pour la plupart, mais qui se sont posées la question ce jour-là, est-ce qu'on lance un truc? Il y avait 3 bruxelloises et 3 liégeois, je crois, si je ne me trompe pas. Et on a décidé qu'on lancerait cette page Facebook. Et après, en rencontrant des gens, d'autres personnes de Bruxelles qui voulaient se lancer, en rencontrant les Flamands en question, là, Dwayne Betalunit, et Fanny, on s'est rencontrés après quand on a lancé les assemblées à Liège. En fait, là, on a décidé, en effet, de lancer une campagne ensemble, qui a été, comme Fanny l'a dit, lancée le 17 octobre. Mais donc le tout début, ça s'est passé comme ça, quoi. Et on a beaucoup hésité, parce qu'on s'est dit, mais en fait, ça peut demander beaucoup de travail. On vient juste de sortir d'une lutte qui était la lutte de la ZAD de la Chartreuse, qui était une lutte victorieuse, mais et sur des sujets très différents. Mais comme tout le monde, on est fort occupé, on est fort dans beaucoup de luttes différentes. Donc on a vraiment hésité, mais on sentait qu'il y avait besoin de, pour nous, à titre personnel, de renouer avec une lutte un peu qui est liée aux dettes, qui est liée à la pauvreté, qui est liée aux conditions matérielles. Concret de la vie de tous les jours en même temps, hein, ça touche tout le monde en fait, ouais. C'est ça. Et en plus, on avait l'impression qu'il y avait quand même un vide en termes de discours sur les fameux 3 objectifs que tu as cités et sur une tentative de s'auto-organiser. C'est-à-dire que les gens ne restent pas seuls avec leurs factures, mais qu'ils échangent entre eux. Et les Flamands, c'est ce qu'ils ont fait avec un peu d'avance sur nous. Et puis, on a tenté de faire la même chose en lançant des assemblées de quartier à Liège et après à Bruxelles. Pourquoi ça n'a pas marché? En tout cas, on a vraiment essayé. On a essayé de rassembler les gens. On l'a fait à plusieurs reprises. Mais la réalité, c'est que déjà, c'est un problème fort individuel. On l'a dit et on va sans doute encore le redire pendant cette... Mais non. Vous dites le contraire, justement, que ce n'est pas un problème individuel, non, que c'est collectif. C'est ressenti comme un problème individuel. On reçoit nos factures individuellement à la maison. On sait les payer, on ne sait pas les payer. Enfin, on ne sait pas les payer, mais c'est très tabou et on en parle rarement. Et en fait, de manière générale, on va s'organiser pour payer, pour ne pas avoir de problème de mise en demeure ou que sais-je avec son fournisseur. Et donc, du coup, la réalité, c'est qu'une fois que l'hiver passe et que les craintes en termes de chauffage, de pouvoir se chauffer et tout ça passent, c'est plus un sujet brûlant. Et donc, sans mauvais jeu de mots, et donc, du coup, on a observé que oui, il y avait un peu moins de volonté de se réunir après mars, j'aurais tendance à dire. Mais Mais on sait qu'il y a encore un travail de fond à faire réellement pour que ce collectif continue à exister. Et donc on se dit que c'est pas plus mal qu'une trêve estivale avant le retour de l'hiver. Et donc oui. Mais c'est quoi ce fond ? J'ai envie de poser. Hein, c'est oui, t'as envie de dire quelque chose là ? Sur le fond, y a eu plusieurs éléments. Il y a eu cette volonté donc de réunir les gens déjà autour de cette question-là, manière générale, d'en parler des problèmes individuels. Mais ça a dû être surprenant au début, non ? Vous avez lancé votre page sur Facebook, hein, comme on dit, et vous avez dû voir qui est venu ? Non, mais je veux dire vous. Il y a pas mal de gens qui ont réagi, ça a dû être assez fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, parce que... Oui, En tout cas, en termes de répondants, c'est vrai qu'on se doutait que ça allait répondre à besoin. Par contre, on ne savait pas à quel point ce serait le cas. Ça n'a pas été aussi fort qu'en Flandre, parce qu'on n'est pas allé sur les médias, enfin les plateaux télé, etc. Et pas forcément parce qu'on refusait à tout prix, mais parce que ce n'était pas notre priorité. On préférait les assemblées de quartier et qu'on manquait de temps et d'énergie pour faire les deux. Mais aussi aux assemblées, moi je m'y attendais un peu, même s'il y en a d'autres qui étaient surpris, mais les premières assemblées, on était 50, 60, il y avait vraiment beaucoup de monde, parce que ça répondait à besoin. Après, on sait bien que généralement, quand un nouveau collectif, une nouvelle plateforme se lance et propose quelque chose, il y a beaucoup de curieux qui viennent, et d'ailleurs qui ont beaucoup de choses à dire, mais en fait qui en branlent pas, qui ne reviennent pas, et c'est pas grave, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais par contre, c'est les assemblées suivantes qui sont les plus importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment être capable de proposer quelque chose qui aide les gens, enfin quelque chose de concret qui va leur permettre de s'auto-organiser? Et on n'a pas réussi, enfin moi je pense, pour répondre à la question, je crois que là-dessus on n'a pas réussi. Et c'est pour les raisons que Fanny donne, c'est-à-dire que c'est pas forcément que la proposition n'était pas la bonne, parce qu'on a vraiment développé le truc de comment est-ce qu'on peut faire l'entrée, de sur les factures. Il y avait évidemment les idées de faire des procès, enfin il y avait plusieurs pistes, et notre piste principale c'était vraiment celle de l'entraide, et je pense que c'est toujours la bonne, avec du porte-à-porte, avec mais par quartier tout ça, mais en fait l'engouement, on va dire, du début, c'est pas seulement la courbe habituelle, je trouve, d'une plateforme ou d'un collectif qui crée sur n'importe quelle thématique, c'est vraiment lié à la période printemps, été, automne, hiver, tu vois, et les aides publiques, tu vois, c'est-à-dire, pour nous, c'est, allez, d'une certaine manière, c'est très bien qu'il y ait eu certaines aides pour éviter que certaines personnes soient complètement coulées, mais comme on l'écrit dans le texte que tu as lu, c'est des aides qui sont financées par nous et qui permettent de payer les factures injustifiables et donc de maintenir... Quand tu dis c'est des aides qui sont payées par nous, qu'est-ce que tu veux dire ? Sois un peu plus clair, parce qu'on ne comprend pas là. Oui, c'est payé par nos impôts, quoi. C'est-à-dire c'est les caisses publiques qui utilisent nos impôts pour financer toutes les différentes primes qui ont été versées. Et je le répète, qui ont permis de sauver certaines situations. Mais au-delà du fait que certaines personnes n'avaient pas besoin de ces primes et les ont quand même reçues parce qu'elles ont été mal conçues, d'autres qui en avaient besoin et qui ne les ont pas reçues, parce que soit elles n'ont pas de papier, soit elles vivent en squat, soit je ne sais pas, pour plein de raisons différentes. En plus, c'est nous qui sommes en train de les payer finalement avec la dette publique. Et cet argent-là, il a servi à quoi ? Il a servi à maintenir, on va dire, les profits des compagnies d'énergie, parce que ça nous a permis de payer le surplus que nous, on ne voulait pas payer. Tu veux dire que, en fait, ça ne change rien, c'est tout bénef pour les... Ah oui. Comment on dit ? Les producteurs d'énergie, les compagnies d'énergie n'ont pas vraiment eu de problème. Elles ont eu peur, hein. Ça se voyait très bien au tout début, là. Dans leur communication, elles avaient vraiment peur qu'il y ait un défaut de paiement, pas généralisé, mais massif. Et en fait, elles ont comme d'habitude, c'est le secteur public qui est venu faire en sorte que le secteur privé n'ait pas de problème, alors que tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait trop de thunes. Enfin, tu vois, ce qu'ils ont appelé, eux, les surprofits, alors que pour nous, c'est les profits tout court qui posent problème. Et donc, tout le monde était d'accord pour dire qu'ils gagnent trop de thunes. Donc, on va faire une petite taxe qui est censée être une grosse taxe pour ces surprofits, pour récupérer un peu d'argent. Aujourd'hui, on se rend compte que, comme on le supposait, elle est relativement ridicule, cette grosse taxe. Mais surtout, on n'a pas changé le problème. C'est-à-dire les causes qui font que le prix a explosé, c'est-à-dire la libéralisation du marché dont Fanny a parlé, ils n'y ont pas touché depuis cette, entre guillemets, crise. Et donc, nous, c'est le truc qui nous inquiète, c'est que Là, on s'est retrouvé dans une situation soi-disant normalisée, donc il y a moins de gens qui viennent nous assembler. C'est aussi les aides qui ont fait un peu un effet sparadrap, mais les règles du jeu n'ont pas changé. Et donc, a priori, malheureusement, soit au prochain hiver, soit à d'autres moments, à d'autres stress, on va dire, sur les marchés, ils pourront se permettre de réaugmenter les prix. Le plafond qui a été mis au niveau européen, il est complètement insuffisant. Et donc, s'ils réaugmentent encore les prix, il va de nouveau y avoir beaucoup de personnes qui vont soit fermer leur magasin, leur petit commerce, soit en fait se retrouver endettées. Et ces personnes-là, pour l'instant, elles ont été invisibilisées grâce aux aides, etc. Et le dernier truc, désolé, après je me tais. Non, c'est bien, comme ça on a le temps de bien comprendre, t'inquiète. Ok. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que cette nouvelle normalité, en fait, on s'est rendu compte l'autre jour en calculant un peu, grâce aux assos qui travaillent là-dessus depuis des années et des années, c'est qu'en fait, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des prix doublés par rapport à 2020. Il y a des factures doublées. Oui, voilà, c'est ça. Électricité, gaz, à la grosse louche, en moyenne, etc. On se retrouve plus ou moins à payer le double qu'en 2021. Mais puisque c'est beaucoup moins explosif et beaucoup moins gros que quand on payait le triple ou le quadruple il y a justement le dernier hiver, alors ça s'est un peu calmé. Sauf qu'en fait, la nouvelle normalité, c'est qu'on paye quand même des factures complètement disproportionnées. Et que les causes du fait que ces factures pourraient encore exploser, là elles sont beaucoup trop élevées, mais elles pourraient exploser, ces causes-là, on n'a pas travaillé dessus, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de maintenir le collectif, malgré qu'il y avait moins de gens pour l'instant dans les assemblées. C'est que malheureusement, on est persuadé que le problème va revenir et que c'est bien d'avoir un outil à disposition pour s'organiser à ce moment-là, quoi. Quand tu parles d'outils, tu parles de quoi précisément, en fait ? Pour nous, oui, vas-y. Vas-y. Pour nous, dans l'idéal, c'était que des personnes... Alors, on sait que ce n'est pas vraiment facile à faire sur un claquement de doigts, mais que des personnes puissent se réapproprier cette proposition-là, les trois objectifs-là, et créer leur propre assemblée, en fait, créer leur propre collectif. À Verviers, ça a failli se faire. On est allé une fois ou deux pour se rencontrer, tout ça. En Flandre, c'est comme ça qu'ils ont réussi au début. C'est-à-dire qu'ils ont fait juste un collectif ou deux, je crois, à Bruges et à Gand, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y en a 4-5 autres qui se sont créés. Et en fait, ils venaient juste la première fois pour raconter leur expérience. Mais après, ils n'avaient plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'organisaient eux-mêmes. Et ils restaient juste en contact pour avoir une forme de soutien mutuel, de coordination, tout ça. Et ça, c'est une méthode d'organisation que nous, on aime bien. C'est-à-dire que les gens qui en ont envie, ils s'approprient le truc, ils font leur propre assemblée de quartier. Et s'ils ont besoin, ils se relient avec les autres. L'idée, c'est d'être, c'est d'être en lien les uns avec les autres et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'entraider, quoi. Si je comprends bien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et dans le fond, pour répondre un peu à ta question de tout à l'heure, il y a aussi cette idée de, on a donc créé des brochures d'autodéfense qui permettent normalement, on espère, de pouvoir s'auto-aider, quoi, et pas se sentir totalement démuni face à un fournisseur totalement menaçant. Donc voilà. Mais quoi, elle raconte quoi, cette brochure, par exemple, tu te souviens ? Ou tu sais ? Oui, comment... est-ce que j'ai droit au tarif social, par exemple, et comment y avoir droit ? Ou bien que faire en cas de défaut de paiement ? Une brochure qui devrait encore être écrite, mais qui va peut-être arriver un jour. C'est les gens comme vous, en fait, qui réfléchissent là-dessus et qui trouvent les réponses pour les diffuser, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. On s'aide d'ASBL qui travaille sur le sujet et qui nous accompagne un peu pour généraliser les droits auxquels les gens ont droit, quoi. Des avocats aussi ? Des juristes, ouais. Qui aident, qui ont aidé des gens Nous, au sein de DonPay, on ne propose pas cette aide-là précisément, mais on a tendance à renvoyer vers les services spécialisés, entre guillemets. À Bruxelles, il y a InfoGazelec, qui a un service qui aide réellement les personnes et qui les accompagne dans leur démarche. Et en Wallonie, ça s'appelle Énergie Info Wallonie. Mais quoi, c'est institutionnel ou bien c'est... Ah ouais, et quoi, ça aide vraiment, du coup ? Oui. Ouais, parce que c'est pas forcément. Des fois, je trouve que c'est plus efficace la bonne volonté des gens pour trouver des solutions, des vraies réponses, que d'avoir affaire à une institution au bout d'un téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah c'est sûr qu'idéalement, on préférait que ce soit grâce à la volonté des gens et au collectif qu'on puisse faire face à ces problèmes. Mais la réalité, c'est que, comme on le disait un peu au début, on se retrouve quand même fort démunis, et quand on a peur, qu'on ne peut pas payer, que c'est un tabou qui a été généralisé quand même depuis pas mal d'années, ces histoires de factures, bah, en fait, c'est déjà bien s'ils peuvent avoir accès à une aide et savoir qu'ils ne sont pas seuls. Mais ça, c'est sûr. Ouais, moi, j'ajouterais, parce que je ne connaissais pas, en fait, ces organismes-là avant de se lancer dans l'aventure. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai dû faire la différence entre les différentes choses qui existaient. Et il y a vraiment des trucs qui sont, voilà, censés être de l'aide de services publics et qui ont encore un fonctionnement très différent de ces assos-là, parce que ça, en fait, c'est des assos. Et du coup, c'est pas forcément que les assos sont toujours mieux que le service public. En vrai, ça devrait être le service public tout seul qui soit capable de faire ça bien, mais vu qu'il le fait pas, bah, il reporte le travail sur les assos, comme sur plein d'autres secteurs. Et en vrai, les assos, du coup, ont d'autres enjeux que des trucs, on va dire, institutionnels dans le sens étatique. Et j'ai l'impression que, du coup, elles sont capables de mieux comprendre. Elles sont moins paternalistes, elles comprennent mieux, on va dire, les vrais gens et leurs vrais problèmes, quoi. Et puis la couche encore en dessous, enfin, c'est pas en dessous, mais à côté, d'essayer de s'auto-organiser de manière citoyenne, militante, on l'appelle comme on veut, ben, je crois que c'est pour d'autres objectifs, c'est-à-dire, on va pas faire, le travail d'avocat. Par contre, ce qu'on va faire, c'est essayer de s'aider entre nous pour les gens qui connaissent les bons plans et ceux qui les connaissent pas, parce que souvent c'est les personnes qui sont les moins privilégiées, qui ont le moins accès à leurs droits. Et donc les personnes qui sont militantes et qui ont un peu ces infos là, bah, alors elles peuvent partager, essayer de partager ça avec elles. Et le deuxième aspect, bah, c'est le côté plus politique, on va dire, activiste politique, pas dans le sens politicien, mais dans le sens vraiment de changer la société, on va dire, changer les règles du jeu. Et là, c'est plus le troisième objectif qui est, et t'as très bien dit ça au début, qui paraît inatteignable, toi, de faire sortir l'énergie. On va le rappeler. Ouais, voilà. Rappelle-le. Bah, faire sortir l'énergie des marchés privés, ça paraît complètement. Mais oui, comment veux-tu, là? Bah oui. Et en même temps, on est persuadé que c'est seulement si on arrive à faire ça un jour, mais comme pour d'autres sujets, les banques, le logement, la santé, enfin, tu vois, que alors on pourra peut-être ne pas avoir des factures impayables, qu'on pourra peut-être ne pas exploser la planète avec l'énergie, enfin, etc., etc. Et donc, c'est pas que c'est Don't Pay qui va réussir à faire ça. Par contre, c'est une ligne qui peut être différente d'autres mouvements qui travaillent sur la précarité énergétique et qui vont peut-être pas oser dire qu'ils sont anticapitalistes, ils vont peut-être pas pouvoir dire qu'il faut sortir l'énergie du marché privé. Et c'est pareil pour le fait de ne pas payer. Mais pourquoi ils voudraient pas? Bah, je sais pas, moi je pense que ça peut être parce qu'ils sont subsidiés, ça peut être parce que dans leur organisation il y a différentes tendances politiques et pas seulement une tendance anticapitaliste, du coup ils peuvent pas parler au nom de l'organisation en disant ça. Peut-être qu'il y a des capitalistes. Peut-être qu'il y a des capitalistes. Bon, ça à mon avis ils se font pas chier dans ce genre de collectif, ils mettent leur billet ailleurs. Mais oui, je pense qu'il peut y avoir tout un tas de raisons, et qu'elles soient compréhensibles ou non. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que les collectifs ou les tendances qui, elles, sont anticapitalistes, peut-être que c'est elles qui ne sont pas assez nombreuses et assez puissantes, quoi. C'est ça que je pense qu'il faut développer pour pouvoir imposer un peu un autre agenda et imposer un peu d'autres solutions que juste des aides publiques, comme on les a décrites tout à l'heure, quoi. Et quoi, et du coup, n'hésitez pas, vous, à m'emmener là où vous savez, où vous voulez, parce que moi, je connais vraiment pas tout le sujet, là. Mais du coup, j'imagine que vous êtes renseigné aussi sur c'est quoi cette machine énergétique, là. Quel nom, Engie en Belgique? Il y a plein d'autres noms, si j'ai bien compris. Ça, ouais. C'est ça. Mais alors, l'énergie en Belgique. Mais vous vous êtes renseigné, j'imagine. Comment ça se fait qu'on en arrive là aujourd'hui, quoi? Vous pouvez faire un gros schéma, quoi. Un gros schéma. Cette histoire, elle commence un peu avant les années 2000. Il y a une volonté un peu de se dire, l'énergie est un bien commun, mais finalement, est-ce que ce serait quand même pas plus pratique de se faire l'argent sur le dos des consommateurs ? Oui, parce qu'avant, donc, l'énergie, c'est un bien public, basta, et c'est ça, c'est genre l'État ou le gouvernement qui choisit, enfin, de toute façon, c'est un peu les mêmes chaque fois quand il y a changement de pouvoir, mais... C'est eux qui décident d'un montant, comment ça... La manière dont c'était pratiqué avant la libéralisation sont un peu c'est un peu obscur, on sait plus, ah ouais, on sait plus trop. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, tu as fait de la recherche et il y avait rien qui... Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de chercher, enfin des personnes pas nous avec nos connaissances, mais on a posé la question à plusieurs personnes. On ne sait pas exactement comment est-ce que ça fonctionnait, mais ce qu'on sait, c'est que, en effet, les quatre branches qui amènent l'énergie des producteurs aux consommateurs, les quatre gros passages, appartenaient totalement à l'État. Oui. C'est quoi, je comprends pas, ces quatre grands passages, c'est quoi, de quoi tu me parles? Voilà, exactement. Mais donc, pour avoir de l'électricité chez nous, ça passe donc, comme je disais, par quatre gros machins. Il y a d'abord les producteurs, il y a les gestionnaires de réseau. On va dire, donc les producteurs, c'est ceux qui produisent l'électricité. Et donc pour ce faire, il faut aller chercher, comment ça s'appelle ? C'est le nucléaire, mais comment ça s'appelle ? Comment tu dis ? Voilà. L'uranium. Voilà. C'est important quand même de le dire. Oui, c'est important. Parce que c'est, on n'a pas, on, mais non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, oui, l'énergie, c'est pas, enfin, c'est pas. C'est pas, mais je suis sur mon doigt, je le mets en, tu vois, une éolienne, mais ça marche pas comme ça. C'est vrai, mais cette partie-là, moi, je serais pas trop en parler, en tout cas. Ouais, mais moi, elle m'intéresse, mais évidemment que c'est pas, ok, on passe, voilà. Donc il y a ceux qui produisent, mais on parle de qui là, par exemple? Ceux qui produisent, bah donc, ça peut être autant des barrages, que ça peut être les éoliennes, que ça peut être Engie avec le nucléaire. Il y a plusieurs manières de produire. Il y a les productions qui se font en Norvège, il y en a en Russie, il y en a qui viennent d'Amérique, il y en a qui viennent d'Iran. C'est dingue. Pour faire fonctionner l'électricité, et le gaz, il y a des productions qui viennent évidemment du... C'est géopolitique, quoi. Ah oui, c'est un gros, c'est un gros bazar. C'est fou parce qu'on le... Comment dire, On le sent pas, c'est bien dit ça, on le sent pas. Mais on apporte, enfin, je sais plus c'est combien, mais parce que ça fait partie du fonds qu'on est en train de rassembler, machin, pour que les gens et que nous-mêmes on comprenne mieux où on en est, vu qu'on a peu de temps maintenant avec la trêve estivale dont tu parlais. Mais on apporte la majorité de l'énergie en fait en Belgique. Donc ça a des côtés un peu catastrophiques que cette crise entre guillemets était censée souligner, c'est qu'on est tellement peu autonome en énergie qu'on est hyper fragilisé par rapport à des questions géopolitiques, comme tu le disais. La Russie, c'est un exemple tellement flagrant. Je veux dire, il y a moins de gaz qui est exporté de la Russie vers l'Europe et notamment la Belgique. Et du coup, on est comme des cons à courir, tu vois, un peu comme des poules sans tête, à pas savoir quoi faire, quoi. Et du coup, on apporte d'ailleurs. Des États-Unis, si j'ai bien compris maintenant. Oui, bah, il y avait Norvège, même si ça, c'était déjà le cas avant. Il y avait des pays, comme tu as dit, c'était quoi, Arabie Saoudite, je ne sais plus. Oui, je confonds tout le temps. Ouais. Okay. Bah donc on comprend qu'il y a tous des enjeux, quoi. Oui. Hein. Et les producteurs, c'est aussi bien, si je comprends bien, des énergies comme le nucléaire, mais aussi comme l'éolien, je sais plus quoi d'autre, t'as dit. Oui, les barrages. Il y a la biomasse. Mais tout ça, c'est un peu plus minime, évidemment. Ça, c'est le premier poste. Le deuxième. Le premier poste. Le deuxième, c'est les gestionnaires de réseaux, d'abord de transport et ensuite de distribution. Les gestionnaires des réseaux de transport, c'est ceux qui, finalement, on voit souvent dans nos paysages les gros trucs électriques comme ça, avec les fils, avec des boules sur les fils, là, dans nos campagnes, on voit un peu ça. Mais donc, y en a deux, il y a Elia et Fluvius, si je ne me trompe pas. Mais grosso modo, ça, c'est toujours quelque chose qui appartient à l'État. Donc ça restait totalement aux mains de l'État parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire d'argent là-dessus. C'est quelque chose qui doit fonctionner, qu'on doit entretenir, mais qui ne rapporte rien en tant que tel. C'est un service qui rend à la population. Avant, il y avait... Un service qui rend à la population. Après, avançons. Ensuite, il y a... depuis la libéralisation, il y a les fournisseurs. Mais avant, c'était des intercommunales qui... comme réserve. Non, parce que sinon, je suis perdue. Oui. Donc, ça, c'est le poste 2. Tu parles toujours du poste 2, là. Là, non, je suis passée au 3. Voilà. C'est important. Donc, poste 3. Poste 3. Avant, c'était des intercommunales. Maintenant, c'est devenu, du coup, des fournisseurs. Et c'est quoi la différence entre intercommunal et fournisseur ? Quoi, c'est genre, c'était les communes qui géraient ça. Maintenant, c'est le privé, quoi, quand on dit fournisseur. Moi, je l'entends comme ça. Hein. Je sais pas si c'est juste. C'est très bien entendu. Okay. Avant les intercommunales, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles faisaient aussi que de la gestion. Quand il y avait des inondations, quand il y a un arbre qui tombe sur une structure ou quoi, ils vont réparer. Ils font en sorte que la population ait toujours accès à cette énergie. Maintenant, c'est transformé par des fournisseurs. Donc, il y a un poste supplémentaire qui s'est mis. Actuellement, il y a, après les gestionnaires de réseaux de distribution et transport, il y a les fournisseurs qui viennent. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des factures. Ils font du business. Ils augmentent, ils descendent les prix. Ils font du business. Ils achètent, en gros, sur les marchés... ils achètent sur les marchés du gros de l'énergie, quoi. Et ils font des contrats qui promettent, du coup, aux consommateurs de bénéficier d'une énergie à un tel prix pendant autant de temps, ce qui est la partie totalement privatisée du marché, quoi. Et puis finalement, à Bruxelles, comme en Wallonie, comme en Flandre, on a les gestionnaires de réseaux de distribution, enfin du coup, qui reviennent dans la machine pour relever les compteurs, pour s'assurer que c'est le poste 4, oui, c'est ça. Redis les producteurs, gestionnaires de réseaux. Ça, c'est 1. Oui. 2. Gestionnaires de réseaux de transport. 3. Les fournisseurs. 4. Gestionnaires de réseaux de distribution. Et là, du coup, on arrive à la fin de la machine, quoi, et on arrive au compteur, à la petite boîte qui est dans nos caves à la maison. Ouais. Et donc, c'est là qu'on est passé des États-Unis à ce petit boîtier. C'est dingue. Mais ce que je trouve super chouette, c'est que vous êtes tout jeune, là, quand même. Hein. En même temps, vous n'avez pas 10 ans. Mm-hmm. Vous avez la trentaine. Oui. Et que vous vous intéressez à tout ça, et que vous pouvez, et que vous bougez vos fesses, et que, allez, c'est bien, ça, non ? Bah oui, c'est. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'aime trop cet endroit parce que. Enfin, cet endroit, ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un sujet. Enfin, qui touche. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une porte contre. Enfin, vers l'anticapitalisme, en fait. J'ai l'impression que si on arrivait un jour à socialiser ce secteur-là, on aurait les clés pour. Pour les dupliquer sur plein d'autres secteurs qui sont aussi totalement fondamentaux. Et puis, il y a le côté hyper stratégique. Moi, ça me vend trop du rêve. Je me dis, mais j'aurais trop aimé faire partie des discussions lors de la libéralisation, voir à quel point il y en avait plein qui savaient très bien qu'ils allaient s'en mettre plein les poches sur le dos de plein de gens. Que j'aime trop, c'est qu'un jour, j'aimerais trop qu'ils aient aussi peur que les gens qui ont peur quand ils vont pas payer leurs factures. En fait, je me dis, ça serait vraiment un truc qui me fait vibrer, quoi. Je me dis, franchement, le rêve. Non, parce que quand je t'entends comme ça, toi, tu disais, t'aurais bien aimé être à la table des négociations quand ils libéralisaient. Ah oui, et tu parles aussi de socialiser. Mais je pense que le nucléaire, après la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire. Quand la bombe atomique est trouvée, inventée, il a fallu des ingénieurs pour. Ils ont fait des essais chez les Indiens. Je dis les Indiens entre guillemets parce que c'était. Dans le sud, là où. Ouais. Vous voyez, on s'en fout. Et puis, ils ont vendu l'électricité aux gens, quoi. Vous voyez, moi, je situe même le truc. Ils ont rendu dépendants les gens de l'électricité. Moi, je vais jusque-là. Tu sais que il y a des tribus. Je suis allée au Canada dans les tribus. Maintenant, ils sont dans les réserves, hein, tu vois. Les chefs indiens étaient déjà dès le départ. Ils savaient qu'ils voulaient pas l'électricité, tu vois, parce que ça allait entamer tout un processus qu'ils voulaient pas. Tu vois, ils étaient déjà bien conscients de ça. Parce que tu parles de socialiser. Tu vois, et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien que tu expliques comment est-ce que tu vois cette socialisation. Mais Jérémy, sur tout ce qui se dit là. Ouais, bah juste avant la socialisation qui est notre dessert préféré. Ouais, comment dire, ils, quand on dit ils, ouais, c'est hyper large, mais moi j'ai les détenteurs de capitaux pour faire très simple. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des personnes, c'est vraiment une mécanique qui fait que. Si, il y a quand même des personnes qui font des choix, qui bougent leurs fesses pour discuter. Complètement. Ce que je veux dire, c'est que moi, elles m'apportent peu, ces personnes-là, parce que si c'est elles ou leur cousin, c'est la même mécanique qui fonctionne si on n'enraye pas cette mécanique, quoi. C'est-à-dire rentabiliser le capital, quoi. Et du coup, pour rentabiliser le capital, c'est vrai qu'ils ont créé plein de dépendances, la publicité, le machin, qui font que. D'un côté, à la fois, alors que ma porte d'entrée, moi, dans la lutte, c'est l'écologie, malgré tout, je suis le premier à dire, mais en fait, on s'est retrouvé dans de telles dépendances qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir accès à des choses minimum fondamentales d'eau potable, d'énergie et autres, mais que si on avait mis en place autre chose qu'une société industrielle comme celle-ci, qui est à fond, à flux tendu, etc., on pourrait avoir besoin d'autre chose. C'est pour ça que certaines communautés ont tout à fait raison d'essayer d'empêcher l'installation de l'industrialisation chez elles. Et par contre, c'est vrai que le chemin, et pour faire court, mais qui a été parcouru, c'est bien avant même le nucléaire, qui est vraiment venu encore plus foutre la merde, je trouve. Je veux dire, l'histoire charbon, gaz, pétrole, nucléaire, etc., et puis même énergie renouvelable dans la manière dont elles sont développées en ce moment... Ça n'a jamais été genre on va remplacer une énergie sale par une autre énergie plus propre ou quoi. Elles sont venues se rajouter les unes aux autres. Le nucléaire a fait pareil. Et donc, c'est vrai que ça montre bien que... Mais c'est important de le dire, ça, parce qu'on le dit comme ça, ben oui. C'est... Parce que c'est insoutenable. Ouais. On peut pas y arriver comme ça, quoi. C'est juste, tout le monde le sait, je crois, de plus en plus. Il n'y a pas moyen que les écosystèmes supportent ça, et donc les êtres humains non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... C'est le nucléaire, c'est venu rajouter une grosse couche. En plus, il y a plein d'autres dynamiques autour du nucléaire qui sont vraiment très spécifiques, notamment la sécurité, qui fait qu'on peut même pas questionner ou très peu questionner ce sujet-là. Tu veux dire la sécurité, les déchets, on peut pas s'approcher, c'est ça. L'approvisionnement, tu vois, en uranium, comme tu le disais, c'est des choses on peut pas trop s'y approcher, sinon on est tout de suite des terroristes, machin, machin. En vrai, bon, pour les centrales à gaz et pour le reste, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est tellement des choses stratégiques. Comme Fanny a dit, que du coup, on ne peut pas... en tout cas, physiquement, on ne peut pas s'y approcher, mais même questionner un peu trop ça, c'est comme si on était des fous qui voulons ne plus avoir accès, qui voulons fermer le robinet de gaz ou d'élec ou machin, et donc foutre tout le monde dans la merde, hôpitaux compris, tout ça. Évidemment que ce n'est pas ça. Et la socialisation, après, je passe la parole à Fanny, c'est plutôt l'idée de décider ensemble comment ces quatre étapes, elles sont faites, comment on produit, comment machin, machin, pour ne pas juste tout détruire et pour ne pas, en plus, être ceux qui payons la facture au bout de la chaîne. Quoi. Mais quand tu veux dire tout détruire, tu veux dire quoi ? Parce que dans la manière dont l'énergie est produite actuellement et même, au final, distribuée et consommée, mais pour moi, le problème est surtout dans la production et pas tellement dans la consommation, enfin, dans la surproduction et pas la surconsommation, enfin, je veux dire, c'est assez évident qu'on parle de l'uranium ou du gaz ou du charbon ou de même les énergies renouvelables, c'est-à-dire d'où viennent nos cellules de panneaux photovoltaïques, etc. La manière dont c'est fait pour l'instant, c'est d'une manière industrielle, dans une logique de rentabilité du capital. Et donc, on s'en fout que ce soit soutenable ou pas. On s'en fout qu'il y ait des populations des Suds qui soient surexploitées pour qu'on puisse prendre ces ressources-là à bas prix et les revendre plus cher aux populations des Nords. Via les multinationales privées entre les deux. Tout ça, on s'en fout, vu que ce qui compte, c'est de rentabiliser le capital. Et c'est ça qu'on voulait dire, si on n'arrive pas à sortir de cette logique-là, et évidemment, on ne le fera pas tout seul, ce qui fait un peu peur, c'est que l'énergie, elle n'est pas infinie, et deux, pour la produire et l'exploiter, il y a plein de manières différentes de le faire, dont des manières très sales. Et pour l'instant, celle qui domine le plus, c'est la manière très sale. Tu as parlé de population... indigènes dans les Amériques du Sud, c'est un des premiers territoires avec l'Afrique et ailleurs qui a été surexploité pour pouvoir amener ici de l'énergie. C'est juste, si on voulait pouvoir utiliser beaucoup moins d'énergie, ce qui est un de nos désirs à nous, on pense que c'est infaisable sans sortir de la rentabilité du capital. Si on doit continuer à valoriser du capital, à être dans le capitalisme, on ne pourra pas utiliser moins d'énergie. sauf si on le fait payer aux plus pauvres. C'est-à-dire si c'est de plus en plus les plus pauvres qui ne pourront plus payer leurs factures et donc qui consommeront de moins en moins, qui seront dans des conditions de vie de pire en pire. Et ça, c'est le chemin qui est pris par nos gouvernements actuellement, quoi. Nous, on aimerait bien un peu retourner l'équation et on pense que ça va être très difficile, mais on pense que c'est aussi la seule manière de vivre et de survivre, en fait. Oui, sujet là vachement costaud. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour renverser, je dirais casser, quoi, parce que c'est tellement énorme. Hein. C'est un peu cette idée de sortir le secteur de l'énergie des marchés privés. Allez, maintenant, on change, bougez-vous. Comment on fait ça, quoi? C'est énorme. Oui, c'est énorme. comment est-ce qu'on fait? Déjà, on part de propositions que je n'ai malheureusement pas en tête. Quand on pense, par exemple, vous parlez de socialiser, quoi. Ça veut dire, en gros, que ce soit plus juste aussi, quoi. Mais de toute façon, moi, je suis tellement fatiguée de... Je suis fatiguée parce que c'est toujours eux qui gagnent, parce que ils ont des machines, parce qu'ils ont les lois avec eux, parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On devrait aller se battre, moi, je crois. Vous voyez, ça suffit. Non, mais c'est vrai, on se fout tellement de nos gueules. Et c'est évidemment les premiers touchés, c'est les gens qui sont déjà fragiles. Si on veut pas simplement faire blabla pour blabla, action, mais quoi faire? Comment? Est-ce que vos groupes, discute de ça, de cet aspect-là, puisque c'est le plan 3, là. Moi, celle-là, elle m'intéresse vraiment. Hein. Après, évidemment, il y a être solidaire. Il y a être solidaire. Ça, c'est super important. On doit se rappeler, ça, qu'on est solidaire. Tu vois ouais, j'ai pas moi non plus la solution, hein, mais j'ai l'impression qu'on doit aller se battre, quoi. Il faut s'armer, parce que ça devient de plus en plus costaud, la répression, là. Même aller manifester, maintenant, tu te reçois des balles dans les yeux, plus Dieu. Ouais, tu es sûr? Ouais. OK. Quand on a fait la conférence de presse, par exemple, le 17 octobre, c'était devant Engie, et j'avoue que même si on s'attendait à ce qu'il soit un peu sur les nerfs par rapport à cette thématique-là, on ne s'attendait pas à ce que la garde de sécurité et les flics soient autant... au taquet, au-delà du fait qu'en plus on n'avait pas annoncé cette action justement pour ne pas avoir la police sur place. Quand tu dis au taquet, ça veut dire? Bah, ils étaient en surnombre, ils n'arrêtaient pas de faire des contrôles policiers sur les abords, qui en plus, a priori, sont. Enfin bon, bref, j'allais dire sont illégaux parce que blablabla, mais on s'en fout. Quoi qu'il en soit, C'était méchant, quoi. Ils voulaient montrer qu'ils étaient là, méchants. Ils mettaient la pression, quoi. Et alors, on est habitué dans plein d'autres moments ou d'autres luttes que ce soit le cas. Mais c'est vrai que là, ça paraissait presque. Ridicule, mais en fait, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que pour eux, il y avait quand même un danger à ces nouveaux groupes, ces nouveaux mouvements qui se lançaient sur cette question stratégique de l'énergie. Et après, sur comment faire la socialisation et tout ça, je pense que nous, c'est vrai qu'on se donne un peu une mission pour l'instant de clarification, tu vois, d'essayer d'expliquer justement comment ça fonctionne et comment la socialisation pourrait avoir lieu. Parce que ce qu'on entend souvent avec ça, c'est... le fait que ce soit sous contrôle des usagers usagères, des travailleurs travailleuses et de représentants des collectivités pour que l'intérêt commun puisse quand même être représenté. Et en fait, plus concrètement, moi j'avoue que, et c'est peut-être personnel, mais une des seules perspectives que j'ai pour que des outils comme ceux-là qui sont complètement, enfin c'est des monstres, tu vois, Engie et les autres, Total, enfin, hein, c'est con, hein, mais c'est que c'est un peu les gens qui font fonctionner l'outil qui sont capables de l'arrêter à un moment donné et de le transformer. Et donc l'image générale qu'on a derrière ça, la CGT Énergie en France en ce moment qui se prend de plus en plus de répression, c'est entre autres parce qu'elle se permet de poser des actions illégales. Mais donc si elle n'est pas suffisamment soutenue, c'est un plomb qui va sauter. Quoi, mais j'ai l'impression que c'est seulement les travailleurs travailleuses qui utilisent l'outil qui sont capables de le transformer. Tu veux dire qu'ils l'entretiennent, qui travaillent là-dedans, en fait, dans ces secteurs-là? Oui, c'est ça, qui font tourner Total Énergie, que ce soit les camions jusque le secrétariat, enfin tout. Raffinerie, quoi. Ouais, en premier lieu. Et du coup, allez, pour l'instant, les ouvriers ou les employés qui font des choses illégales, elles se font sanctionner individuellement, ce qui n'est pas étonnant. Mais s'il y avait un mouvement qui serait plus large, et comme tu dis, aller se battre, machin, qui soutenait ce genre d'action, que ce soit dans l'énergie ou dans d'autres secteurs. Pour moi, je crois que ça ne pourra techniquement, en tout cas, ne passer que par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entreprise, ses actionnaires, ses directions, etc., n'auraient plus le choix parce qu'en fait, comme on a déjà essayé dans d'autres, enfin comme ça a déjà été fait pour d'autres secteurs, il y aurait une tentative de récupérer l'outil. Mais surtout, et pas seulement de le récupérer, mais de le transformer, puisque ce n'est pas qu'on veut qu'il fonctionne comme il fonctionne maintenant. Et donc, ça, actuellement, ça me paraît vraiment lointain. Et donc, parce que compliqué à mettre en place, c'est ça ? Ben, c'est pas tellement que techniquement c'est compliqué. Pour moi, c'est qu'en fait, ça demanderait, comme je le disais, il faudrait pas que ce soit seulement une proportion importante des travailleurs-travailleuses qui se mettent à faire ça. Il faudrait un soutien du reste de la population qui est énorme, qui est suffisamment énorme pour que eux ne se fassent pas juste réprimer et que ça s'arrête là, quoi. Pour que vraiment la transformation se fasse, ça nécessiterait qu'une partie, pas majoritaire, mais en tout cas une masse critique de la population soit prête à aller vers là et à soutenir ce mouvement-là sur la durée. Et voilà. Et du coup, en attendant, j'ai envie de dire, bah, je pense que c'est une proposition qu'il faut sans cesse mettre sur la table quand on fait des débats avec des gens qui veulent plutôt des propositions réformistes, on va dire, et qui ne veulent pas s'attaquer en fait, aux détenteurs de ces entreprises-là, aux propriétaires, qui sont déjà suffisamment riches de toute façon. Ils n'ont pas besoin, même s'ils perdent leur action maintenant, ça va, quoi, tu vois, ils s'en sortiront. Et le reste, c'est que il y a des petites initiatives du style communauté d'énergie, tu vois, des choses comme ça qui sont déjà le plus possible en dehors du marché. C'est-à-dire des gens. Quoi, sa communauté d'énergie ? Bah, c'est des personnes qui vont soit essayer d'autoproduire leur énergie avec des petites éoliennes, avec des petits panneaux photovoltaïques, mais donc pas à échelle industrielle, à l'échelle d'un quartier, voire même parfois juste d'un immeuble. Ou alors, c'est des gens qui vont essayer de seulement consommer auprès de coopératives énergétiques, comme il en existe quelques-unes en Belgique, qui sont rikiki, assez tout petits par rapport aux mastodontes, mais qui existent. Et voilà, moi, j'étais dans une de ces coopératives-là, par exemple. Ben, on a de la chance, parce que quand il y a une crise, c'est des personnes qui, vu qu'elles autoproduisent leur énergie, ben, elles ne sont pas trop impactées par les prix sur les marchés. Mais quand tu dis que ce sont des gens qui autoproduisent leur énergie, ils ne pédalent pas pour avoir l'énergie, tu vois. C'est ça que je ne comprends jamais. Ben, c'est pour ça que moi, je pense que c'est... suffisant, c'est-à-dire c'est limité. Elles ont soit des éoliennes citoyennes, c'est-à-dire de taille industrielle ou de taille plus petite, mais pas nombreuses. Ils n'en ont pas beaucoup, tu vois. Soit elles ont... Donc c'est vraiment des coopératives. Mais l'énergie, elle est tirée de l'éolienne, alors ? Ouais. Ou alors c'est du photovoltaïque. Parfois, c'est de la biomasse, parfois, c'est de l'hydraulique, etc. Mais c'est vraiment, comme Fanny l'a dit, c'est tout petit dans le mix énergétique actuel en Belgique. Par contre, donc moi, je pense qu'il faut continuer à soutenir ces coopératives-là et qu'il faudrait qu'elles prennent de plus en plus la place de Luminus, qui, je crois que c'est Luminus, je ne sais plus, qui est avec ses panneaux, avec ses éoliennes partout, là. Bah, si déjà, c'était plus Luminus, mais juste des coopératives citoyennes, ce serait déjà vachement mieux. Elles les utiliseraient autrement. Mais je pense qu'on ne peut pas juste soutenir les coopératives citoyennes et croire que ça permettra de sortir du marché privé. Je pense qu'en parallèle, il faut vraiment ce mouvement qui est beaucoup plus difficile et plus réprimable, parce que lui, il s'attaque à la propriété privée des moyens de production, que lui se fasse en parallèle, quoi. Et donc, nous, en attendant, ce qu'on peut faire un peu, c'est faire connaître toutes ces choses-là, mais c'est surtout essayer qu'au niveau local, il y ait des personnes qui parlent de ce genre de choses, qui s'entraident sur les factures, mais en s'entraidant sur les factures, en fait, c'est plus fort que nous, on parle de... Oui, mais c'est les prétextes, quoi, aussi. Enfin, le prétexte, des fois, il y a vraiment des gens qui ont besoin, hein. Mais je veux dire, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de se rassembler, d'être solidaires, de nous rappeler qu'en fait, on est aussi des êtres sociaux. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tellement devenus individus comme ça. Ben, on est conditionnés à ça. Hein. C'est pas que, comme ça, en suçant son doigt de nouveau. J'aime bien. Ça fait deux fois que je dis « sucer mon doigt », mais pourquoi je dis ça ? Mais Fanny, t'as envie de dire quoi, toi ? Parce que je t'avais un peu sollicité sur la socialisation. Mais moi, j'ai un plan. Regarde. Il y a un tel qui a trouvé le... Après... Bon, je suis partagée, hein, mais il y a un tel, il a trouvé, c'est qui l'électricité, la lumière, c'est comment il s'appelle ? Edison ? Non, lui, c'est le téléphone ? Ouais, moi, on ne sait plus. Soit. Il découvre l'électricité, quoi. Ouais. Génial. Mm-hmm. Et après, on fait en sorte que cette électricité soit gratuite pour tout le monde. Mm-hmm. Dans le sens, ben, évidemment... Dans la gratuité, on fait gaffe, évidemment, comment on produit. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. On allume tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait moyen. Pourquoi faire payer avec des factures tous les mois, tu vois, alors que c'est une invention qui a été créée par un ingénieur avec des fonds publics, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, pour la collectivité, ben voilà, on a trouvé cet outil qui va nous permettent de faire des choses, mais sans abus, alors que là, on abuse à exagérer, qu'il y en a qui s'en foutent plein les poches, enfin, tu vois. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Ben, elle est super chouette comme idée. Parce qu'il y a des impôts payés, je veux dire, au moins, tu vois, les impôts qu'on paye, après, on discute, les gens, on dit, ben oui, voilà, il faut entretenir cette espèce de réseau, mais qui serait basique pour moi. Un des problèmes qui fait que pour l'instant c'est pas possible, c'est que tout ça est fort cadenassé, enfin par la loi principalement. Une maison est obligée d'avoir un compteur, le compteur est relié à une intercommunale et puis c'est là qu'on rentre dans le système. Mais idéalement, la socialisation, elle ressemblerait à une remise en question de la production. Et, en fait, oui, dès de la consommation, mais donc, oui, d'une... T'as perdu ton fil ? Mon fil. Ah ouais. En disant consommation. Ouais. Juste à la production. Oui, mais l'idée, c'est de faire de l'électricité autrement. Ben voilà, vous avez... Toi, tu l'as bien dit aussi, Jérémy, hein. Oui, mais ça pourrait... Tu vois, l'exemple que j'ai pris, on dirait que c'est un raisonnement de petit enfant. Mais non, pas du tout, quoi, tu vois. C'est vraiment des gens qui se sont accaparés les richesses, accaparés les gens, qui ont diffusé un produit limite qu'on n'avait même pas besoin pour plein de raisons, tu vois. Après, qu'il y ait une petite lumière ou... Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait tellement bien, quoi. À fond, la socialisation, ce ne sera pas un truc complexe, aussi complexe que ce qu'ils ont fait, pardon, de la libéralisation. C'est sûr que si un jour ça existe, ce sera quelque chose de simple et de récupérer. Enfin, après, on ne va pas inventer ça tout seul. On n'est pas cinq derrière. On n'est pas cinq cerveaux pour inventer la socialisation. Mais quand on discutera de ça, peut-être que ça ressemblera à un rêve de petit enfant, en fait. Mais après, il y a aussi la production, comment c'est produit, quoi. Et c'est vrai que tant que... Je sais que c'est con, mais c'est tellement... C'est juste, quoi. Il n'y a pas sur le monde, tu vois, des gens qui doivent profiter et les autres qui doivent casser des cailloux dans les mines pour que nous puissions avoir nos trois chiottes et notre télé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais profondément. Oui. Quand on... Il y a aussi un truc dont tu me fais penser là maintenant, c'est que je trouve ça hyper important qu'on se souvienne plus tard, si un jour ça a lieu, cette socialisation, qu'il y a des cerveaux qui sont hyper utiles et qu'il faut absolument garder avec nous. Enfin, que tout ça, c'est une machine incroyable qu'ils ont mis en place, enfin, incroyablement nulle, mais il y a des cerveaux derrière, il y a les ingénieurs, il y a déjà juste les ingénieurs, en fait, il faudra absolument les garder avec nous, parce que finalement, là, on peut payer aussi tout ça de notre poche, et que c'est des choses qu'il ne faudra pas oublier au moment de la révolution. Ouais, j'entends bien, mais après, tout ça, c'est compliqué, là, ce que tu viens d'aborder. Parce que tu vois, les ingénieurs, la science, c'est quand même des gens un peu qui ont donné les manettes du monde aussi, avec les industriels qui sont souvent de mèche. Hein. Moi, j'aime pas trop l'idée, tu vois, qu'il y aurait des gens supérieurs avec des cerveaux. Mais j'ai l'impression que tu disais ça. Ah non, non, enfin, pour moi, enfin, supérieurs ou pas, je crois qu'ils ne le sont pas, mais c'est pas ça, c'est plutôt que ils ont des connaissances qu'il faudrait absolument garder avec nous, c'est surtout ça que je veux dire. Mais de quoi tu parles précisément ? D'avoir inventé l'électricité, la lumière ? De savoir comment ça fonctionne, les fils, Peut-être qu'il n'y a plus besoin de tout ça, tu vois. Je veux dire, si on regarde vraiment la géopolitique, tu sais, il y a des fibres tirées dans les mers. Tu vois, c'est hallucinant tout ça, tu vois. Est-ce que c'était vraiment intelligent de faire ça ? Tout ça pour qu'on ait notre Wi-Fi Enfin, je sais pas, quoi, tu vois, il y a plein de questions à se poser par rapport à ça. C'est pas comme ça une idée qui est top, déjà, à penser aujourd'hui, c'est trop génial, ce qui... Non, je crois qu'il faut aussi changer notre manière de vivre et aussi de penser, quoi, non ? Ben, complètement, et par contre, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure, là, avec charbon, machin, nucléaire, tout ça, c'est qu'en fait, ils nous ont mis dans des dépendances de ouf, certes, avec les choix qui ont été faits, industriels et tout, mais du coup, puisqu'on est bloqué dans certaines choses, et moi, je pense notamment, mais pas que, aux hôpitaux qui, dans leur fonctionnement actuel, ont de plus en plus besoin du numérique et de plein de... qui, pour moi, renforcent leur fragilité, mais... sans vouloir garder leur société industrielle comme ils l'ont conçue actuelle, si juste on coupe le robinet, c'est l'image que je donnais tout à l'heure, là, un peu comme on l'a fait à petite dose dernièrement. Mais en fait, c'est juste que... Enfin, j'ai l'impression que c'est que... Si on coupe le robinet, là, On diminue la quantité d'énergie qui arrive en Belgique et qui est redistribuée par les réseaux dont on a parlé, ou que juste on coupe les réseaux, tu vois, partout, qu'on casse la machine, on va dire. Ben, en fait, moi, j'essaie de ne pas confondre la machine, comment elle est utilisée pour le capital, et la machine elle-même, tu vois. Et même si la machine elle-même, je pense qu'elle a un problème en soi, elle est, de par sa taille, de par son fonctionnement et tout, je pense que pour la transformer, donc si on ne la transforme pas, mais qu'on ne fait que la casser, je pense que c'est les personnes qui sont le plus déjà en difficulté aujourd'hui qui vont être encore plus en difficulté. Pas sûr. Bah ça, on peut en discuter dans une autre émission, du coup, ce serait génial. Mais ouais, par exemple, le nucléaire, tu vois, pour si on veut sortir du nucléaire ou le diminuer ou je sais pas quoi, on a besoin en effet des personnes qui savent comment il fonctionne, pas pour le garder, mais pour le transformer, ce que je disais, ou pour le démanteler, tu vois. Et c'est pareil un peu pour le reste, les fils électriques ou d'autres choses. S'il y a des choses qu'on veut diminuer ou arrêter selon nos débats, et c'est pas nous qui allons décider à nous trois, quoi, en fait, on aura besoin techniquement. Je pense, des personnes qui savent comment l'outil fonctionne pour transformer cet outil. On a envie de continuer, mais il reste 3 minutes, il faut s'arrêter. Mais il y a plein de choses. Il y a des choses qui ont été dites là qui sont... Vous voyez, c'est intéressant. De toute façon, déjà, être d'accord de démanteler, c'est pas gagné. Il y a plein de gens qui s'accrochent à... En plus maintenant qu'on leur a fait croire que c'était nécessaire pour avoir assez d'énergie. Ah oui. Bon, ben, allez, Don't Pay. Don't Pay, oui. Don't Pay, on se voit bientôt. On peut retrouver ça sur le réseau social. Et le site aussi, pour ceux qui n'aiment pas trop Facebook et le reste, c'est Don't, donc DONT-PAY.BE. Et ouais, il y a Don't Pay Belgique. Ça, c'est votre page et... Ouais. Voilà, c'est un endroit de solidarité, quoi. Et ça, c'est tellement bien. Après, on aimerait que ça continue, hein, vous voyez. Et de créer d'autres assemblées de quartier pour que les gens puissent se rencontrer et que ce soit pour parler de ce qu'on a parlé à la fin, là, tu vois. Oui, des choses concrètes, quoi, tu vois, de changement vraiment, quoi. Oui, comment on fait ? Peut-être qu'on a encore le frigo trop rempli, du coup, alors chacun retourne dans sa petite, non ? Je suis pas sûr. Les gens qu'on a rencontrés, en tout cas, toute une partie d'entre eux n'avaient pas le frigo trop rempli. Et je crois pas que c'est ça qui bloque, en fait. Je crois qu'il y a... Non. On en rediscutera, alors. Hein. Merci à vous deux, en tout cas. Merci à vous.